Glasgow, dimanche 28 mars 2004. J'ai rêvé que j'étais dans une pièce avec Lorena et que sur la table, il y a un plat avec des fruits. Quand je regarde, qu'est-ce que je vois? Une énorme araignée, une tarentule poilue entre les fruits. Je suis horrifiée de voir cette chose horrible entre les fruits. Je l'appelle Lorena pour lui signaler qu'il y a une araignée. Elle n'est pas complètement noire, mais brune. Plus tard, je vois qu'elle a même quelques couleurs vertes sur son corps. C'est vraiment dégueulasse. On réussit à l'écraser, mais elle ne meurt pas. Elle s'envole et part par la fenêtre. Puis elle revient dans la chambre en volant, puis elle se laisse tomber en chute dans un trou. Quelle horreur! Quel nid où elle va se cacher! On découvre que dans ce trou, et là c'est impressionnant, il y a en fait une chatte qui est morte depuis longtemps. C'était sûrement la mère des chatons qui est en décomposition, cachée là à moitié sous la terre dans le noir. À moitié mangée par les vers, pleine d'insectes, de maladies qui dévorent sa chair. Les chatons sont encore là, vivants, à côté de ce qui reste de sa mère, dans cette espèce de micro-monde mortel. Il faut enlever la chatte de là, mais elle est en décomposition. C'est infernal, et l'odeur. Je propose alors d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent enlever la chatte. Mais Stéphane, qui est là, me dit que je fais à chaque fois la même chose, d'appeler quelqu'un d'autre pour qu'il vienne enlever la merde. Il me dit qu'il faut que j'apprenne à respirer. Il me montre des exemples avec son ventre, des techniques de kung-fu ou de yoga que je peux faire moi-même. Je n'ai pas besoin à chaque fois d'appeler quelqu'un d'autre. Rien que de voir le trou, ça m'effraie. Un des petits chatons s'approche de moi, mais en plus, il est déformé, boiteux, malade. Il a la lèpre. Je ne veux pas qu'il me touche. J'essaye de m'enfuir, même si en réalité, je le regarde et je le vois très faible, dans un état misérable. Ah, le pauvre !